Mais non. Pas devenir riche, je suis déjà riche. Ouais. Alors ça c'est une réverb que je connais, c'est Valhalla, non? C'est Valhalla Shimmer, non? Un truc comme ça? Non? Ah, sympa en tout cas la réverb, hein. J'aime beaucoup. Enfin voilà, quoi, c'est un truc sympa avec machine, tu peux bien t'amuser entre les samples. Et enfin, c'est énorme comme truc. Franchement, c'est énorme. Là, tous les Américains, ils sont là en train de faire des raps et tout. Après, tu peux faire autre chose, hein. Tu peux même faire du rock. Voilà, quoi. Après, une petite voix, un petit refrain, un petit chorus. Et voilà, tu peux sortir un tube, hein, à la limite. Mais bon, c'est juste pour le fun, hein. Je m'amuse. Après, je cherche pas la gloire, moi. Ouais, voilà.